Bonsoir petits et grands, petits et grands, c'est quand même assez étrange comme introduction. Bon bref, ne cherchons pas, je dis ça depuis des années, je ne sais pas pourquoi, c'est histoire de vous dire un truc. Oui parce que bonsoir ça fait un peu trop solennel, donc petits et grands ça introduit bien, puisqu'il y a sans doute parmi vous des petits et des grands, et voilà, de tous les âges et de toutes les tailles. Et oui c'est ça la machine à son, c'est assez universel, n'est-ce pas? Et ouais, Universon, ça pourrait être ça aussi le nom de la machine à son. Donc ce soir, voilà, ce soir vous allez voir, ça va être assez particulier parce que le professeur, il a encore une fois eu une idée assez saugrenue. En fait, il voudrait vous faire faire un voyage, mais à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son lui-même. C'est quand même assez particulier, ça va pas être simple. Donc il m'a dit, j'ai préparé quelque chose qui est en fait, voilà. Alors il est dans la symbolique, hein, rassurez-vous, tout va bien se passer. Vous pouvez rester tranquillement dans votre fauteuil, sur votre canapé, dans votre lit, dans votre bain, en voiture, en vélo. Tout va bien se passer, comme toujours. Alors, ce qui va se passer au début de l'émission, c'est que vous allez être ingéré, en fait. Voilà, c'est un peu. Alors, il m'a dit, oui, c'est un délire à la christique, mais sauf que c'est christique à l'envers. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se manger ceci, bon, bref, eh bien, c'est lui qui va vous manger spirituellement, symboliquement, etc. Et après, vous ne ferez qu'un. Enfin, c'est un truc. Voilà, c'est un peu. Il s'est inspiré, en fait, de ceux qui bouffaient le crâne des vaincus pour être aussi fort qu'eux, avec respect pour les. Voilà. Donc, comme il a beaucoup de respect pour vous, il a décidé de vous ingérer mentalement de façon à vous faire découvrir son intérieur et, voilà, faire un truc en osmose avec vous. Voilà, c'est encore une idée, quand même, assez fumeuse, mais bon. C'est le professeur, hein. On est assez habitué quand même au truc, donc moi je m'adapte, vous inquiétez pas, je gère le truc derrière, je rattrape quand ça part un peu trop dans les trucs où vous risquez de choper l'angoisse ou d'éteindre le poste, et oui ça peut arriver aussi, je peux comprendre, mais ça serait vraiment une très très grosse erreur. Allez les petits amis, c'est parti, 7 minutes de digestion. Hey weirdos. Good evening. machine à son en pleine digestion. La question se pose, êtes-vous toujours vivant ou c'est moi qui rêve? Bon, c'est pas tout à fait ce qu'il disait. Bon, ben voilà, vous êtes maintenant ingéré par le professeur La Bicicletta. L'émission peut commencer. J'en vois certains qui sont un peu fatigués. Ben oui, c'est pas toujours évident quand même, surtout la première fois. Digérer une première fois, c'est toujours un peu complexe. Mais vous inquiétez pas. Avec un peu d'amour, ça soigne. Voilà. En fait, c'est voilà. Quand vous êtes à l'intérieur du professeur, c'est un nid d'amour. Voilà. C'est tout ce dont vous avez besoin. Un peu d'amour. You need love, yeah. Étrange à l'intérieur du professeur. Et oui, maintenant vous êtes dans la peau du professeur. Là, vous venez de croiser un bombardier rempli de 52 filles. Et là, s'approche un personnage assez particulier. I wrote this when I was on the moon. Or was it Mars? Forgot. Okay, I took a trip. I took a trip in the space shuttle. And I thought about you. I took a walk in space, and I thought about you. I pulled down my sun visor, oh, I really felt blue. Two or three flying saucers parked under the stars, a winding stream, moon shining down. Some little town, and with each beam, I get the same. dream. I took a trip in the space shuttle, and I thought about you. I shot my space gun, and I thought about you. I pulled out my sun visor, oh, I really felt blue. Well, I looked way back as I peeped through the crack at the stardust trail leading back to you. And what did I do? What did I do? What could I do? Well, I thought about you. Hey, that's it. Watch it! Eh oui, chez le professeur, il y a aussi caché dans des coins des choses qu'il n'avoue que rarement. Il est étonnant ce professeur quand même, hein. Il fait toujours le snob, mais en fait, fond de lui. Alors, voyons la suite. Ah ben là, il y a du snob. Allez, on est rassuré. Sister somewhere, maybe she's for you. too. Yellow is burning. She's very hot. Green is the earth. She's cold as ice. Blue is my baby. She's warm as the sun. Indigo, indigo. Wild as the wind. Violet, violet. As free as me. Purple. And that's the way she will stay. That's the way. Et l'histoire continue avec un drôle de petit lascar. Allez! Allez, viens! Je suis crocosmote. C'est mon métier et j'en suis fier. je suis Crocosmos. C'est mon métier et j'en suis fier. Je suis Crocosmos. C'est mon métier et j'en suis fier. Je suis Crocosmos. C'est mon métier et j'en suis fier. Je suis Crocosmos. Je suis Crocosmos. Réfléchir deux fois avant de le suivre, lui, quand même. Il est un peu étrange. Bon, rassurez-vous, hein, vous êtes, rappelez-vous, vous êtes toujours à l'intérieur du professeur La Bicicleta qui vous a ingéré en début d'émission. Pardon, je bouge la tête, il ne faut pas. Donc, bref, vous êtes à l'intérieur de son estomac, qui est son second cerveau. L'autre, il vaut mieux, franchement, pas y mettre les pieds. Je vous rassure, moi, j'y suis pas allé. Hein. Il m'a proposé une fois, mais non. Hors de question, l'estomac, c'est déjà pas mal. Et voilà, qu'est-ce que je vois au loin ? Un espèce de curé chelou. Des gens Eh bien, pour quelqu'un qui se prend pour le fils de Dieu. Eh oui, le professeur, il a un peu cette lubie, il se prend pour le fils de Dieu. Soit disant que c'est son père qui lui a dit. Bon, bof, cherchez pas à comprendre. Et donc oui, voilà, pour quelqu'un, donc, bref, qui est le fils de Dieu, il a une drôle de vision de la religion quand même, le frère Converse, là, il est un peu étrange. Et puis en plus, il roule en chopper. Dans l'histoire du professeur, c'est quand même assez délirant. Alors là, j'en étais où? Parce que c'est compliqué. Hein. Oh là, oui, ouf, là, on rentre dans la zone dangereuse. Donc là, évitez de toucher quoi que ce soit, de lécher vos doigts après. Easy. joue à trois. Poum, patapoum. Viens des pecs et benjou. Poum, patapoum. Ok, ouais, c'est trop. Eh oui, à l'intérieur du professeur, il y a toujours ce grand enfant qui sommeille. C'est incroyable. Eh oui, même 50 ans plus tard, c'est toujours le même. Dans 50 ans d'ici, le professeur, et oui, dans 50 ans d'ici, bah 50 ans après, c'est encore plus la merde. C'est dingue, ça. Trapeze. y a aussi quelques racines profondes chez le professeur, même si elles me semblent peut-être un peu vertes. Get back home to you. I ain't that loving you, baby. I ain't that loving you, baby. I ain't that loving you, baby. But you don't even know my name. Let me tell you, baby, don't sound like it's true. They could drop me in the ocean, I'd swim to the bank and crawl home to you. Je suis obligé, petits et grands, de vous frustrer, mais promis, la prochaine machine à son démarrera aussi par Betty Davis et son He Was a Big Freak, un hommage au professeur qui est toujours en vie, je vous rassure. Donc ce soir, rapidement, vous avez écouté Jimmy Reed, les Cramps, donc parlons d'inverse bien sûr, bon, Betty Davis, Jimmy Reed, les Cramps, les Rovers avec leur 50 ans, assez sympathique. Nicolas avec Potapam. The Pretty Thing, Ike and Tina Turner. Michel Colombier. Attendez, il faut que je lance un truc. Voilà, un peu de générique de toute façon. Eric Burdon, Coucou Taras. Les Grecs, The Rolling Stone, incroyable. 10 Years After. Legendary Stardust Cowboy. Les B-52 ou B-52s. Small Faces. Et au tout début, rappelez-vous, vous avez été digéré. Et là, il va vous vomir. Bonne nuit.